remplace mon sourire de façade par une grimace en profondeur comme tous les hommes, tu sais. Il faut bien qu'arrive cette heure où les masses perdent leur beauté, où le cristal redevient charbon, car une fois la conscience ôtée, même les belles roses deviennent charbon. Ce prophète qui changeait leur enfant avait-il vu dans l'ivresse, et moins de tenir les hommes, on laisse aller. Cette fois je me laisse aller. Je mets des images dans mes textes, loin d'être un donneur de leçons. Et si jamais je porte une bombe, c'est pour taguer le mur du son. Je fume ma garou sur la terrasse avant que le cancer me terrasse. Et puis question arcade, je suis comme un douche. Je me laisse planer, je me dis que ça sert à rien qu'on pleure. Si c'est juste pour qu'on plaire, si tu comprends vite ton cœur. Faut pas une carte bancaire, je suis tombé amoureux, je me suis relevé célibataire. Sachant que faire la route à deux fait aller plus vite au cimetière. Le cœur à sec, je fais mes obsèques en esquivant les obstacles. Ce son, c'est un contrôle de keuf. Je vais vider mon sac, merde. Mais quoi, je l'air à faire le ton sur cet instru. Tout ça pour changer d'air, que d'un quoi Scott ragénère. Va pas pleurer sur ma tombe, j'suis pas le messie. Le donner un con, ma mère aussi. Nos accents sont brutalisés, travestis dans la peur. Quand ta vie donne ses fruits, faut apprendre à cueillir la fleur. Va pas pleurer sur ma tombe, j'suis pas le messie. Le donner un con, ma mère aussi. Nos accents sont brutalisés, travestis dans la peur. Quand ta vie donne ses fruits, faut apprendre à cueillir la fleur. L'élévation d'esprit passe par l'abolition de la peur. Mais l'esprit se rapporte au corps et le corps meurt. Faut-il seulement lui donner moins d'importance? Mais je vois mal comment le rap pourrait me faire entrer en transe. La vie c'est comme un chewing-gum, j'arrête pas de la ruminer. Courir à travers le monde et c'était interminé. 25 ans d'études, 45 ans de travail. Pour finir à la retraite, délaissé de son entourage. Crise de l'esprit artistique, j'appelle vite le corps médical. J'apporte ma graine pour faire fleurir ton champ lexical. Ne propose pas un pack de sang, faux frère, si t'as le sida. Ça y est c'est décidé, je refuse tout caprice d'ici. Pas d'humeur à la fête, j'accumule trop de rancœur. Non t'es pas dans ma tête, mais trop souvent dans mon cœur. C'est vrai que je me plains tout le temps, mais je t'avouerai à demi-mot que je rends hommage à ceux qui perdent leurs proches comme des dominos. Va pas pleurer sur ma tombe, j'suis pas le messie. Me donner un con, ma mère aussi. Nos accents sont brutalisés, travestis dans la peur. Quand ta vie donne ses fruits, faut apprendre à cueillir la fleur. Va pas pleurer sur ma tombe, j'suis pas le messie. Me donner un con, ma mère aussi. Nos accents sont brutalisés, travestis dans la peur. Quand ta vie donne ses fruits, faut apprendre à cueillir la fleur. Va pas pleurer sur ma tombe, j'suis pas le messie. Me donner un con, ma mère aussi. Nos accents sont brutalisés, travestis dans la peur. Quand ta vie donne ses fruits, faut apprendre à cueillir la fleur. Va pas pleurer sur ma tombe, j'suis pas le messie. Me donner un con, ma mère aussi. Nos accents sont brutalisés, travestis dans la peur. Quand ta vie donne ses fruits, faut apprendre à cueillir la fleur.